pour préserver le pluralisme de nos médias, contre la fin de l'audiovisuel public, pour soutenir la vitalité de la recherche, contre la désinformation et la manipulation, pour entendre la voix de toutes et tous, pour vous garantir d'être écoutés et entendus, pour la survie des radios associatives et de votre radio, le 30 juin et le 7 juillet, même écœurés, ne soyez pas résignés. Allez voter ou donnez procuration. Ceci était un message des Radio Campus. Compliqué de choisir son camp hein, dans ce temps de barricades électorales. Exactement. Bon, c'est Pyongyang City Rockers qui commence et, en fanfare, pouet-pouet, après la propagande là, de l'ami italien. Là. Eh bien, nous allons nous aussi faire notre propagande bruyante pour ce numéro 345 de PCR avec ce soir Gaël et Célia. Salut. Coucou. On vous entend pas. Elle parle, la dame ? À quoi il est pas allumé ? Si, allumé, bien sûr. Oh, c'est quoi ce merdier ? Je sais pas. Chier. Il y a plus rien qui marche dans ce bordel. Hein. Allô, numéro 7. Le matériel du studio est déjà passé à l'extrême droite. Mon censure. Voilà. Ferdinand de censure. Bon, eh bien, voilà. Donc, on n'a plus qu'à démarrer avec un petit RIP, mais pas pour tout le monde, apparemment. Enfin, en tout cas, bon, c'est vrai que le gars qui est mort récemment, et il y avait des... mais ça, j'allais le dire. Hein. Il y avait quand même des appréciations contradictoires suivant à qui on s'adressait. Je parle bien sûr de Julien Terzic, ex-batteur, enfin, batteur de Brigada Flores Magón, qui est décédé avant-hier, il me semble. Et puis, bah voilà, quoi. Bon, bref, hein, une fois que les gens sont morts, on peut quand même... faire la paix des braves, hein, et respecter. Et donc voici un petit RIP de ma part, Julien Terzic. Et je passe un titre qui ne peut être que de circonstances de la Brigada Flores Magón sur leur dernier album. Il s'agit de Immortel. Eh ouais, les circonscriptions, tout ça, hein, bah ouais. Hein ? Troisième, je crois. Je sais pas, fou, la troisième. Je sais rien, moi. Vous écoutez Pyongyang Stirokers, numéro. Merde, je sais combien. 345. Merci, madame. De rien. 345. Et c'est Célio qui vous parle. Oui, moi, je vais vous faire écouter une nouveauté du label allemand Phantom Records. Le LP qui est intitulé First LP de Autobahns vient de sortir. C'est un projet solo d'un Suisse qui habite à Leipzig. C'est un mélange de garage, de... Mais ils sont tous à Leipzig ou quoi ? Ben, il y en a beaucoup. À Leipzig, is the New Berlin. Ouais, il paraît que c'est la capitale punk de l'Europe. Moi ? Je sais plus où j'ai vu ça l'autre jour. Hein. De moins en moins, je crois, mais... Ouais. Il y a plein de trucs quand même. Du coup, c'est un mélange de garage, de scène punk qui sonne très années 80. Et on écoute tout de suite Oppressive Pressure de Autobahns. Bien ça. Ouais, c'est cool. Poète, poète. M'entends ? Bonjour. Ouais, je t'entends. En plus, ça fait quick. Je m'entends plus. Quand tu touches le micro. Aujourd'hui, je vais être vachement loin de l'Europe. Ah ouais. Avec des groupes australiens. Australiens, ouais. Shandy est un groupe de bowerpunk de Brisbane, donc en Australie. Shandy joue son propre style unique de bower boogie. Certains disent que c'est du punk rock, d'autres disent que c'est de l'énergie hardcore, high energy rock hardcore. Ouais, c'est facile à dire. Dans tous les cas, c'est DIY. Le groupe donc sera en tournée à la rentrée. Toutes les dates n'ont pas encore été dévoilées. Allez checker sur les spunk.org de votre région et ne les ratez pas. En attendant de pouvoir peut-être les voir, je vous passe le morceau promo Something for You, sur lequel on peut entendre en introduction de morceau Gavin Wood. Alors là, c'est... Qui est Gavin Wood ? Alors Gavin Wood, il est connu pour être la voix emblématique de l'émission Countdown sur ABC dans les années 70. Uh-huh. Morceau qui figurera sur l'album Ardiaca en septembre sur le label Teuton Randall Records. Ils ont pris leur temps car l'enregistrement a débuté en 2017. Putain. Shandy, sur les ondes de Radio Campus Lille. They've been around for some years now, climbing the charts and winning hearts. Clap your hands for Brisbane's finest. I'm Gavin Wood. Make some noise for Shandy. Got something. fils d'imbécile. Non, non, pas eux, pas Shandy, hein. mon fils. C'est bien cette affaire, et en effet c'est plus poppy que certaines choses qu'on passe ici. Moi, ce que je vais passer, est-ce que c'est poppy, je ne sais pas, en tout cas ça vient de Majorque. Juste à côté d'Ibiza, dont on parlait maintes reprises la semaine dernière. C'est un groupe qui s'appelle Bomba X, qui regroupe des anciens membres de Oi The Arras et de Older Than Dirt, deux groupes qui ont fait les belles soirées de Écrasant la Vermine à l'époque. Et puis comme il y a des hispanophones et anglophones dedans, Older Than Dirt, le membre là, forcément c'est un anglais, mais qui habite maintenant là-bas, dans le sud, dans ces pays imbéciles où jamais il ne pleut. J'adore ça dire ça en anglais. Ça chante aussi en anglais et puis aussi en espagnol, dans les deux langues. Donc moi, qu'est-ce que je choisis forcément? C'est une chanson en espagnol qui exprime bien en plus la situation actuelle. Loco me volveré, je devienne fou. Je devienne fou. Voilà, par... C'est pas récent, ça. Bon, hein ? C'est pas récent, ça. Ouais, non, mais la situation actuelle, ouais. C'est Bomba X, alors ça se trouve sur leur Bandcamp, leur Bandcamp, comme on dit maintenant. Et puis, les voici avec Loco Evolvere. Je crois que c'est la boîte qui a fait le plus de pubs. Ouais, Bandcamp. Il a tout niqué, il a tout niqué, alors qu'on est bien sûr en campus 106,6, c'est Pyongyang qui recorde. C'est pas encore niqué à 100%. Numéro 345, non, pas à 100%, mais on y travaille. Et toi, tu travailles quelque chose? Je sais pas, c'est la place à Célia d'abord. D'accord, ouais. Qu'est-ce que je fais? Allez, je vais faire un peu de pub concert. Il y a les Parisiens de Youth Avoider qui viennent jouer à Lille ce vendredi 5 juillet à l'occasion d'un concert en soutien au Centre d'Action de la Jeunesse Palestinienne qui s'appelle Les Lacs, en compagnie de Jodie Foster et Emancipating Pete Fighting Fish, ouais, qui est un groupe de Paris aussi. Je vais passer un titre après, tiens. Et d'ailleurs, Youth Avoider, ils ont un nouvel album en préparation, donc on croise les doigts pour que ça arrive bientôt. Bonne nouvelle. Peut-être ils l'auront là, à savoir. Peut-être, ça m'étonnerait, mais peut-être qu'ils vont, et à mon avis, ils vont peut-être jouer des nouveaux morceaux déjà. Donc en attendant, je vais vous passer le morceau World Vision Wide Opening de leur album Relentless, sorti en 2018. C'était quoi cette affaire? Et ben, juste après Youth Avoiders, un titre issu de l'album Relentless, c'est ça, Célia? C'est ça. Et ben, moi, c'était le titre Relentless par Emancipating Pit Fishing Fish. Qui va jouer avec Youth Avoiders. Ouais, EP2F, ils seront au CCL avec aussi Jeudi Faster ce vendredi. Concert, je pense, à ne point rater, n'est-ce pas? Allez, moi, je vais rester à Brisbane, en Australie, avec le groupe Resolver. Alors, Resolver qui écrit sur sa page Bandcamp. Bon camp. Avoir reçu la marchandise par la poste et s'apprête à défoncer votre porte et à vous mettre des bâtons dans les roues. Un EP fraîchement frappé par les membres de Razorcuts, Opposition, The Clinch et Marching Orders. Préparez-vous à ce que ce soit votre nouveau groupe préféré. Il s'agit là de votre nouveau groupe favori. Soutenez-le et préparez-vous à ce que d'autres bonnes choses arrivent. En tout cas, non, c'est pas fini. T'as pas en tout cas, ils s'aiment bien, quoi. Alors, quand on voit le line-up, on peut se dire que au moins, ça va être carré et bien joué. Eh ben, c'est le cas. Eh ben, j'ai sélectionné le morceau Negligence. Dispose sur le site titre qui s'appelle Better Than What. On écoute sur leur Bandcamp. Et tout de suite, dans ton émission préférée, ouais. Pierre Gang, c'est les Rockers. Resolve. Nous, on n'est pas futur. L'émission préférée. On est l'émission préférée. Voilà. Allez, encore un deuxième rip ce soir. Ça fait longtemps que je l'avais dans les tartines blocs, vu qu'il est décédé le 18 juin dernier. James Chance, qui entre autres avait joué avec les Contortions à la fin des années 70. C'était une des grandes figures de la no wave new-yorkaise. La no wave, on va dire que c'était une espèce de jazz, mais joué vraiment à la punk. Il se faisait détester de tout le monde. À ce qui paraît, il n'hésitait même pas à déclencher des bastons avec le public, donc pour des musiciens de jazz, ouais. Ça va quoi, c'était vraiment le punk qui arrivait dans le jazz, et ça a donné vraiment des trucs pas mal. On a déjà passé au moins un ou deux titres dans Pyongyang City Rockers, mais il y a très très très très longtemps, je crois que c'était Wolf qui avait fait ça, donc ça nous fait remonter à 2017 quand même, hein. Et bien voici James Chance pour le RIP, avec le titre phare des Contortions, avec qui jouait jusqu'en 80, il me semble, c'est Contort Yourself, James Chance and the Contortions. Control. This story Ah oui, voilà, c'est pas mal pour du jazz. Hein? Ouais, toi, t'aimes pas. Non, non. C'est pas assez poppy. Non, pas assez mélo. Bah, y a quand même de la mélodie, quoi, mais faut l'entendre entre les ruines. Ma chère. En parlant de ruines, je vous parlais du groupe Parliament Ruins. C'est un groupe d'anarcho-punk de jeunes anglais de la région de Londres. Ils viennent de sortir leur premier album qui s'appelle Pistex en cassette. J'ai pas beaucoup de choses à raconter, le groupe a l'air assez récent. Sur leur Bandcamp, il y a quelques démos, mais c'est à peu près les mêmes morceaux qui sont sortis sur leur album, mais genre enregistrés dans une salle de répète. Un peu. On voit que le son, il est un peu fumé. Ouais, c'est ça, son fumé. Donc tout de suite, Illusion of Change de Parliament Ruins. C'est vraiment un truc d'actualité, ça. C'est ça. The rule of law is the foundation for everything. Margaret Thatcher called it the first duty of government. And she was right about that. Ah ouais, c'est vraiment de l'anarcho-punk que cette affaire à Juice. Bah ouais. Ah, comme il y a écrit sur leur bandcamp, c'est pas du nouvel anarcho-punk, mais ça reprend les codes ouais. Et ça marche. ce qu'on disait en antenne, c'est que voilà, qu'est-ce qui change à part Empire. Donc c'est pas la peine de faire autre chose, hein. On rajoute des influences techno si on veut. Allez, moi je vais continuer avec un autre groupe australien. Pas la même ville, mais avec des gars de la même clique de Resolver. Le groupe s'appelle Brut et vient de Melbourne. On y retrouve des membres de Marching Orders, encore eux, Stranglehold ou encore The Truth. Il me semble que j'ai déjà passé un morceau de Brut il y a quelques mois. Alors Brut a sorti sur son Bandcamp deux nouveaux morceaux, dont une reprise de Joy Division. Plutôt pas mal. Mais je vais vous passer leur compo qui s'appelle Abandon Hope. Si jamais vous connaissez une distro qui vend ces groupes australiens, n'hésitez surtout pas à nous tenir au courant, enfin moi tout du moins, car les frais de port et les délais d'Australie, c'est un bête le bordel. Hein. Allez, Brut sur le 106,6 de ta bande FM, PCR, oi. Ça part, donc. C'est parti. J'adore. C'est bien, je trouve très bien. Voilà. Bon, t'as plus qu'à commander les disques en Australie. Ça va dans 3 mois si je les reçois. Ouais, c'est ça. Ou alors, peut-être, ils vont tomber du bateau, le conteneur, il va tomber à l'eau. Ouais. Et voilà. Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Ouais, à skip. Voilà, depuis la semaine dernière, mais où tu n'étais pas là, mais tu as dû écouter. Oui. On vous indique que c'est bien d'aller voter. Il s'agirait d'en dire quand même un petit peu plus, n'est-ce pas ? Voter. Pourquoi ? Oui, voilà. Voter pour éviter de se retrouver avec une chambre des députés à majorité RN qui amènerait presque mécaniquement un Premier ministre RN et ou une alliance Macron-RN. Pourquoi pas ? On a déjà testé Macron tout seul. Merci de ne pas nous faire essayer le Macron 2.0 turbo-faf. Maintenant, faut pas se tromper sur la réalité du pays. On est grosso merdo un tiers de gens de gauche. Je veux dire des gens qui croient encore qu'on peut évoluer vers une société moins hiérarchisée, donc plus égalitaire. Le reste, c'est un tiers de bourgeois et de leurs supplétifs qui se trouvent très bien dans ce système, vu qu'ils en profitent ou croient en profiter. Et puis un tiers de faf et leurs électeurs racistes ou paumés par la propagande. Je sais même pas si c'est encore utile de faire la distinction. Vu comme ça, le vote barrage n'est qu'un outil pour empêcher les faf de rafler la mise ce 7 juillet 2024. Ensuite, faudra pas se faire trop d'illusions. La partie la moins combative du Front Populaire, et je mets beaucoup de guillemets autour, ira s'allier avec la droite sous prétexte de Front Républicain. Il commence déjà en parler d'ailleurs. Front Républicain qui sera un truc qui ne fera que renforcer les fachos à l'horizon 2027. C'est donc entre 2024 et 2027 qu'il faudra se bouger, créer des initiatives ou en rejoindre des qui existent déjà, genre Lille, l'Offensive, le Centre Culturel Libertaire, il y en a plein d'autres, des associations comme Radio Campus, des groupes d'entraide d'habitants dans les quartiers, etc. etc. Bref, l'imagination est au pouvoir pour ça, encore un petit peu. Bref, des trucs indépendants des partis électoralistes, même si avec les moins pourris d'entre eux, il est possible de travailler ou au moins de discuter. En tout cas, on va pas rester sur son cul, quel que soit le résultat de dimanche soir. J'ai dit. Et pour les gens qui veulent se documenter sur cette histoire de Front Républicain ou de Grande Coalition, c'est un terme qui est apparu depuis 2-3 jours là. Il y a un bon article qui est paru aujourd'hui dans Frustration Magazine, intitulé La Grande Coalition ou comment aggraver la catastrophe. Je vous le recommande, c'est assez intéressant à lire ce genre de choses pour se faire niquer ces dernières illusions. On rappelle que je sais pas si demain il y a une manif, enfin bref, de toute façon on s'en fout. Par contre demain soir 19h, il y a une assemblée générale de lutte contre l'extrême droite à la Bourse du Travail à FIV. Et puis maintenant je vous passe un petit truc qui est sorti, je pense que c'est sorti aujourd'hui, c'est qui, c'est quoi, c'est qu'est-ce, ça y est je l'ai même pas noté, c'est Basta, les gars du pot de collé là, qui vont faire un truc très dans l'air du temps, on n'a pas essayé. Et toi, est-ce que tu veux essayer? Je vais m'abstenir. Non, moi, parce que quand même, l'autre qui fait des trucs sur TikTok, il est beau, hein. Ça. Moi, j'ai vu passer sur Twitter, on n'a pas essayé Poutou. Peut-être qu'on pourrait. C'est pas mal non plus. Par contre, je retiens que tu vas sur Twitter et ça, par contre, ça te fait des points. Quoi? Comment? Je vais regarder. Je ne poste pas, mais je vais regarder ce qui se passe. Ouais. Des fois, ça peut être utile. Eh bien, il nous reste 12 minutes. Pff, oh là là, ça passe vite. Hein. C'est Pyongyang City Rockers, numéro 345. Il y a Gaël qui va parler. C'est Lia qui va parler. Tu squeezes, ça fait deux fois. Je squeeze les femmes. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Je voulais te squeezer aussi. Non, je vais passer deux mêmes morceaux de Gloss. Gloss, ça veut dire Girls Living Outside Society Shit. Ah, c'est pas ce qu'on met sur les lèvres? Non. Ça dépend de la situation. C'est un groupe de punk hardcore américain qui vient d'Olympia. Ils ont eu seulement 2 ans d'existence, de 2014 à 2016. Ils ont préféré arrêter leur groupe parce que ça devenait trop gros et trop intense pour eux. Donc ils ont préféré préserver leur santé physique et mentale. Ils ont une proposition de je sais plus quel gros label. Don't Trust the Hype. Non, tous les disques étaient chez Don't Trust the Hype en tout cas. Bah, le label Bad Religion, là, comment il s'appelle déjà? Epitaph. Ouais, c'est ça. Ils ont une propale d'Epitaph et puis en fait ils ont dit bah non, puis finalement on arrête. C'est ça. Donc ils ont sorti un album qui s'appelle Trans Day of Revenge en 2016. C'est 7 minutes de pure punk hardcore avec des textes féministes pour les droits des personnes trans et contre la police. Donc je pense qu'en ces temps où le RN gagne de plus en plus de place, ça fait du bien d'entendre ce genre de message. Donc tout de suite, Fight et Trans Day of Revenge de Gloss. C'est bien Gloss quand même. Ouais, c'est trop bien. J'aurais dû choper les disques quand ils étaient chez Don't Trust the Hype, mais bon, trop tard. Il y en a plus. Je pense pas. Je vais passer un morceau pour Célia. Parce que, alors, ce morceau, je l'ai écouté grâce à son nom qui a attiré mon attention. Celia and the Mutations. En plus, le morceau est accompagné d'une chronique de Dave Thompson, un chroniqueur écrivain qui a notamment écrit pour le magazine Rolling Stones. C'est peut-être extrait de ce torchon. Moins un groupe qu'une activité secondaire divertissante, Celia and the Mutations était en fait l'union des Stranglers et de la chanteuse de flambeau londonienne Celia Golin. Aperçue pour la première fois par le groupe dans un club londonien avec l'ancien claviériste de Kilburn and the High Roads, Rod Melvin, Golin aurait difficilement pu paraître ou sonner plus éloigné de l'image des Stranglers. Alors très décrié, de dur à cuire misogyne à l'époque. Ouais. Mais l'union fait la force. Ensemble, l'équipe a enregistré une version féroce de Money Money de Tommy Jens and the Shondells qui est sortie au printemps 77 sur le label United Artists des Stranglers. Le disque ne se vend pas, mais l'aventure exige une suite. Il s'agit de You Better Believe Me, coécrit par Golin et le batteur Jean-Jacques le bassiste Jean-Jacques Burnel. Jean-Jacques. Batteur, qu'est-ce que je raconte, c'est le bassiste. Et de nombreux observateurs pensent que si Golin avait été prête à promouvoir le single, celui-ci aurait pu être un succès. Cependant, sa timidité l'a emporté et le projet s'est évanoui. Tout de suite sur le 106,6, Celia et les Mutations. Bon bah c'est tout hein. Ils ont tout raté, ils ont dû continuer à faire les Stranglers, vraiment. C'est Celia and the Mutations. Vous savez que il est temps bientôt de rendre l'antenne et ben donc je vais lancer bientôt le dernier titre. On va pouvoir dire au revoir la semaine prochaine, c'était Pyongyang City Rockers numéro 345. Ouais. Au revoir Gaël. Au revoir Stéphane. Au revoir Celia. Au revoir Celia. Et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour le 346e sur Campus. En attendant, vous n'oubliez pas d'écouter Radio Campus. Il y a Tiz Grinder qui va commencer dans quelques secondes à peine. Après ça, il y aura B-Boy Bouillabaisse à partir de 22h. Et à partir de 23h, c'est... Camos. Ce soir, c'est occupé. Et puis après, bah, plein d'autres choses. Pour l'instant, voici Uguayansa depuis 2001, qui font du street punk à Savona. Il paraît que c'est pas le bled le plus recommandable d'Italie. On s'en fout. Ils vont parler de leur rêve perdu. Allez savoir si c'est pas aussi d'actualité cette histoire. Sonny Percy ou Uguayansa. Et on n'oublie pas Acab.